Chapitre 3e. L'oncle de Madame. Le baron suivait curieusement sa sœur qui, arrivée au troisième étage, frappa d'une certaine façon à la porte d'un appartement qu'ouvrit un valet de chambre. Celui-ci salua le baron avec une joyeuse surprise et s'inclina devant la comtesse quand elle passa dans le salon. « Comment va mon oncle ? » demanda celle-ci. « Très bien, madame la baronne, » dit le valet de chambre. « Voyez donc si je puis lui présenter mon frère. » Le valet de chambre sourit et s'éloigna. « Peut-on vous questionner ? » demanda le baron à voix basse. « Oh, cher, parle haut, tutoie-moi, ne te gêne pas, » dit la comtesse. « Nous sommes ici chez nous, pas un serviteur qui ne soit des nôtres. Si je ne me montre pas plus familière, c'est pour les dresser au service et les y accoutumer. Mais, cet oncle, un monstre, idiot. Un monstre. Tout ce que tu peux imaginer de plus monstrueux. Et idiot, dis-tu? Oui, il ne sait pas dire un mot, un seul. Figure-toi un sourd et muet. Il n'entend rien. Je le dresse à jouer un certain rôle, voulant l'emmener quelquefois dans certaines soirées intimes et le produire au théâtre dans une loge. Je lui apprends à se tenir, à manger, à saluer, à rentrer, à sortir, à s'asseoir. Bref, je veux le rendre possible, supportable et m'en servir. À quoi ? À tuer les plus récalcitrants de nos adversaires. C'est idiot. Tuer ? Oui, certes. Tu en jugeras bientôt, du reste. En ce moment, le valet de chambre rentra et dit « Madame la comtesse et monsieur le baron peuvent entrer. » La jeune femme guida son frère vers une chambre à coucher où ils virent, assis sur une chaise, un vieillard enveloppé d'une robe de chambre. C'était le vampire de l'auberge maudite, mais le vampire transformé. Il avait les cheveux blancs, bien peignés, tombant sur son col, le visage rasé et saupoudré de poudre de riz, les mains lavées et les ongles faits. Sa tête avait perdu cette expression étrange que lui donnait l'âpre convoitise dans cette auberge où les longs jeunes avaient avivé les appétits sanguinaires du monstre. Il s'était engraissé, il était dodu, pansu, l'œil ne brillait plus que par intervalles. L'embonpoint avait caché les lignes cruelles du visage. Les angles s'étaient arrondis. On ne se défie pas des hommes gras. Ce bonhomme, net, brossé, lavé, qui secouait la tête de certaines façons, se dodelinait, exprimait quelques vagues pensées par un geste sobre. Ce vieillard, qui n'avait rien de repoussant, grâce à des soins excessifs, qui se tenait très décemment dans un salon ou à table, parce qu'on avait fait son éducation comme celle d'un enfant, ce petit vieux, qui clignait de l'œil aux dames, ce qui les abusait fort et ne dépassait jamais les limites des convenances, cet idiot enfin était très supportable, très volontiers supporté. Personne ne soupçonnait qu'il fût un terrible instrument de mort. Jamais du reste, il ne sortait sans être accompagné d'un domestique qui veillait sur lui constamment. Lorsqu'il aperçut Laura, il se leva brusquement et manifesta sa joie par une pantomime expressive. Il tourna autour d'elle en dansant, se jeta sur les mains que lui tendit la jeune femme et y mit 20 baisers. « Votre oncle vous adore, comtesse, » dit Alice, cessant de tutoyer sa sœur et agissant avec elle comme s'il eût été un de ses amis. Mais elle de rire, « Cher, il ne comprend pas un mot, parle comme s'il n'était pas là, » fit-elle, et montrant le bonhomme, « Il est à moi, je l'ai dompté. »« Est-il donc à craindre ?» demanda Yalige surpris. « C'est un effroyable monstre, tu vas en juger. »« Un monstre de quelle espèce ?»« Te souviens-tu d'avoir entendu conter par ma mère qu'il existait réellement des vampires ayant toujours soif de sang humain surtout ?»« Oui, » dit Yalige en fouillant ses souvenirs. « Je me rappelle même que notre mère a failli mourir, victime d'un de ces êtres singuliers. »« En voici un. » fit la comtesse, et les plus réussis. On ne le dirait pas. Il te regarde avec des yeux attendris. Il est amoureux de moi. Si vieux, pas autant que tu te l'imagines. Pour lui faire jouer son rôle, j'ai fait teindre ses cheveux. Puis se tournant vers le valet de chambre, va chercher un poulet pour mon oncle. Le valet, accoutumé à toutes les horreurs de cette situation, sortit et revint bientôt tenant un poulet vivant. La comtesse avait fait remarquer à Yalich que devant elle, le vampire restait plongé dans une sorte d'extase. « Cher, tu n'imagines pas à quel point je le domine. Je l'ai vaincu une fois pour toutes. Tu as donc lutté ? Oui, et j'ai failli mourir. Que ne lui cassais-tu la tête d'un coup de pistolet ? Il ne s'agissait pas d'un combat violent. Cet homme a un pouvoir de fascination magnétique inouï. En ce moment, le valet de chambre, ou plutôt le cousin de Laura qui jouait ce rôle, lâchait le poulet dans la chambre. « Tu vas voir si mon monstre est bien dressé, » dit la jeune femme. À l'aspect de la proie qui s'offrait à lui, le vampire s'était levé tout à coup. Il était devenu terriblement pâle, ses yeux avaient étincelé d'un éclat extraordinaire, les veines de son cou s'étaient gonflées, ses muscles s'étaient tendus. Le baron fut effrayé de l'intensité des rayons lumineux que projetaient les prunelles du vampire, mais d'un geste, la comtesse calma cette tempête d'appétit désordonné que venait de déchaîner l'aspect d'une victime. Sur un simple appel, sur un signe de la main, le monstre vint humblement se coucher aux pieds de la jeune femme. Il se pelotonna sur le tapis, se roula sur les bottines de Laura et imita les jeux du chat cherchant les caresses du maître. De temps à autre, il jetait des regards obliques sur sa proie qui, chaque fois, semblait atteinte comme d'un choc électrique et tombait convulsionnée. « Le pouvoir de cet homme est foudroyant !» murmuria Liche. Relevant le vampire, il le mit en face de lui, voulant fixer un regard sur cette prunelle qui lançait la foudre et tentait une épreuve. Mais le monstre tint constamment ses paupières baissées. « Attends, » dit Laura, « il a peur de moi et tu vas juger de sa force. » Et elle se prit à le caresser comme elle l'eût fait d'un enfant. Puis, l'attirant à quelques pas de Yalish, elle le lui désigna avec un geste de menace. « Tiens-toi bien, » dit-elle en souriant à son frère. « Résiste, si tu peux. » Sur l'excitation de la comtesse, le vampire poussa un rugissement et revint à ses fauves instincts. Comme une bête féroce, il s'accroupit et, s'apprêtant à bondir, il accumula dans son regard la puissance incroyable de fascination qu'il possédait et darda des flammes sur le baron qui essaya mais en vain de résister. Peu à peu, il frissonna, blêmit, chancela et s'assit sur un fauteuil en proie à une torpeur qui ressemblait à une paralysie. « Assez !» dit alors la comtesse au vampire en le flattant de la main. Le monstre se pelotonna de nouveau au pied de la jeune femme, et Alish cependant revenait à lui, furieux et humilié. « Par le vent et les tempêtes » s'écria-t-il, employant le juron familier à sa race. « Je vais écraser cet immonde animal à coups de botte !» Il écumait de colère et de honte. « Frère, tu es fou !» dit Laura. « Tuerais-tu donc un bon chien de garde ?» Le baron se calma, mais il jetait au monstre des regards haineux. « Laura, le jour où tout sera fini, fais sauter au fond d'un bois le crâne à cette créature dangereuse. Je pressens qu'elle te serait fatale. »« Erreur, » dit la comtesse. « Rien à redouter de mon monstre, pour ceux qui prennent soin de lui, » ajouta la comtesse. « Je l'ai trouvé dans une auberge où il avait fait périr un grand nombre de personnes, mais il respectait la femme qui lui donnait le pain de chaque jour. « Ça mange donc comme un homme, ces êtres-là ?» fit le baron. Lançant son monstre sur sa proie, la comtesse dit « Regarde !» Yalish observa le monstre. Celui-ci se mit de nouveau à darder ses regards sur sa victime, qui se débattit palpitante sur le tapis et finit par s'endormir peu à peu. Le vampire étendit alors ses deux bras longs et terminés par ses mains osseuses aux doigts crochus que nous avons décrites. Il s'avança sur la pointe des pieds, marchant si légèrement qu'on lui eût cru des ailes. Il parut au baron que le monstre arrivait au paroxysme de sa passion sanguinaire, était entouré d'une auréole d'étincelles électriques. Il en fit la remarque à voix basse. « Tu ne te trompes pas, cher, » dit la comtesse. « La nuit, mon vampire semble enveloppé de rayons lumineux. Rien d'étonnant à ceci du reste. J'ai consulté tous les livres écrits à ce sujet par des médecins et des savants. Je suis devenue très forte sur la question des vampires. « Parles-tu sérieusement ?» demanda le baron, qui suivait la marche lente mais aérienne du monstre. Celui-ci s'arrêtait sur la pointe des pieds, contemplait sa proie et semblait en quelque sorte planer sur elle. La comtesse reprit. « J'ai compulsé surtout les ouvrages du docteur Baseliuski, un grec, établi dans les principautés danubiennes. Tu sais que l'on y trouve encore des vampires. Tu sais que les bandits y boivent souvent le sang de leurs victimes. Or, Baseliuski affirme avoir vu, de ses yeux, un vampire sucer le sang d'un condamné à mort que le pacha de Bassora lui avait cédé pour faire ses expériences. Le docteur constata que le corps rayonnait. En ce moment, le vampire touchait l'animal engourdi. « Regarde, regarde donc !» dit la comtesse. « Pas de soleil en ce moment, rien qui explique les resplendissements de lumière dont cette chambre est inondée. Rien, sinon la projection électrique qui s'échappe de ce vampire. » « Dans la nuit, » murmura Yalish, « j'ai vu des étincelles courir sous la crinière hérissée d'un lion. Il se tut. » Le monstre avait saisi sa victime. D'un coup de doigt, il arracha quelques plumes sur la tempe droite. Sa dent canine, aiguë comme une pointe d'aiguille, ouvrit une veine et ses lèvres avides aspirèrent le sang. On voyait, pendant l'horrible opération, son dos onduler et tous ses muscles frémir. Il éprouvait les suprêmes voluptés que donne la satisfaction des vices hors nature. Il était plongé dans une sorte d'extase. Lorsqu'il finit son repas sanglant, il jeta tout à coup la victime exsangue sur le parquet, poussa un léger cri et d'un bond se lança sur son lit dans les couvertures duquel il se roula en miaulant. « C'est fait, » dit la comtesse, « il va cuver le sang. » Et montant le poulet si proprement saigné que l'affreuse opération ne laissait aucune trace, elle dit à son frère « N'avais-je pas raison? Ne voilait-il point un admirable instrument de meurtre ?»« Ce sera notre dernière réserve, » dit le baron. « Quand tout sera désespéré, tu lanceras ton oncle, comme la vieille garde. » Et regagnant le petit salon où ils avaient causé à l'aise, ils devisèrent longtemps, préparant le plan de meurtre qu'ils devaient exécuter.